les femmes sont jolies. Enfin, plus ou moins jolies, jolies. Yes, sir. Mais comment trouvez-vous ma sœur? Celle-ci, bien sûr, est charmante. Celle-là est ravissante. Yes, sir. Yes, sir. Mais comment trouvez-vous ma sœur? N'est-elle pas à la hauteur? Pour qui cherche un souffre-douceur, toutes les femmes sont à prendre. Enfin, il y en a qui peuvent attendre. Yes, sir. Yes, sir. Mais comment trouvez-vous ma sœur? N'est-elle pas à la hauteur? Pour qui cherche un souffre-douceur, toutes les femmes sont à prendre. Enfin, il y en a qui peuvent attendre. Yes, sir. Yes, sir. Mais comment trouvez-vous ma sœur?